Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr et sur nosécrans.com pour le 28e numéro de Sur nos écrans. Vous avez attribué au pilote de Supergirl la note de 2,28 sur 5. On le sait, dans l'équipe, les avis sont très différents concernant ce pilote, à tel point que Léo nous promet un podcast digne de celui sur Gotham la saison dernière. Nous allons voir ça dès maintenant avec pas mal de monde autour de la table. Je suis Mathieu et vous allez écouter le 28e numéro de Sur nos écrans. My name is Bruce Wayne and I am the fastest man alive. If you don't listen to me, you'd be dead by morning. Well, there will be chaos. Rivers of blood in the streets. Look around. The enemy has the advantage. They're screwing with the wrong people. There will be light. But we have to fight on for those we've lost. And then we'll disappear. Become ghosts. To honor my friend's memory. I must be someone else. And something tells me it's gonna catch on. Et avec moi, ce soir, énormément de monde. Arnaud. Salut. Clément. Salut. Irish. Salut. Elodie. Bonsoir. Léo. Salut. Et Tom. Salut les trolls. Tu veux parler? Tom, donc, pour te présenter, parce que tu es notre invité ce soir, Tom de Small Things, évidemment. Et aussi, si je peux me permettre, de manofscreen.fr, comme ça je fais un peu ma pub. On va commencer avec, évidemment, notre petit débrief de notre semaine série. Ce que je vais donc juste vous demander, assez rapidement, parmi ce que vous avez vu cette semaine en adaptation de comics, quel est l'épisode que vous allez retenir, que ce soit en bien ou en mal ? The Walking Dead. Elodie, vas-y. The Walking Dead. En même temps, c'est le seul que j'ai vu, hein, donc il n'y a pas le choix. Alors, du coup, tu le retiens en bien ou en mal? Bah, en bien. Suspense. Gros suspense, bah, en bien, oui, mais je pense qu'il aura marqué beaucoup de monde, non? Je pense qu'il aura marqué beaucoup de monde. Tout à fait. En bien ou pas, on en reparlera dans le prochain débrief de The Walking Dead, mais il aura marqué. On était deux à y croire, je me rappelle, au début, lors du premier épisode de la saison. C'est celui-là aussi que tu retiens sur cette semaine? Oui, je retiens aussi celui-là. Bon, j'allais parler d'un autre, mais non, je pense que je vais retenir The Walking Dead. D'accord. Vraiment très bon et qui ne fait que monter depuis le premier épisode de la saison. Deuxième épisode bon, un troisième encore meilleur. Question, quid du quatrième? C'est ça. Eh ben, à mon avis, tu vas déchanter vu les. Clément, tu retiens quoi cette semaine? Je retiens un excellent épisode d'Angels of Shield, un épisode très moyen de The Flash. Ouais, mais quand t'as le droit d'en tenir qu'un, on s'en fout. Voilà, un excellent épisode de Angels of Shield. D'accord, celui que tu retiens toi cette semaine, c'est Angels of Shield et tu le retiens du côté positif. Ouais. Ok. C'est très bon. Arnaud? Pareil, Agents of S.H.I.E.L.D., un épisode magnifique, juste sur un personnage, et en plus ça coupe du reste de l'intrigue, ce qui fait un bien fou, même si j'adore ce qui se passe avec Batman, ça fait un bien fou, donc Agents of S.H.I.E.L.D. pour moi. Léo? Puisque certains sont dans la provocation avec Walking Dead, moi je vais avancer Gotham. Non mais cela dit, je me range du côté, pour être parfaitement honnête, je me range du côté de Clément et de Arnaud, parce qu'en effet cet épisode de Agents of S.H.I.E.L.D. était vachement bien, mais je soutiens que Gotham était très bien aussi, voilà. Agents of S.H.I.E.L.D., on peut noter quand même le principe des heures en dessous qui rajoute encore à l'effet de détresse que peut ressentir Simmons. C'est sur Mars, sur une autre planète. Ouais, sachant qu'on sait qu'elle est restée là 6 mois, et donc on met les heures et tu dis 10 heures et tu vas rester là 6 mois. Et toi, Tom, tu retiens quoi? J'ai enfin vu un bon épisode de la saison 2 de Flash. Ouais. J'ai trouvé que celui-là était très bien équilibré, parce que les 3 premiers étaient vraiment très très mauvais. Les 3 premiers, oui, c'était en dessous de la saison 1, ça c'est sûr. Oui. Très mauvais, j'irai pas jusque-là, mais non. C'était. Ah si, si, c'est mal foutu, je trouve. Joli. On t'entend mal, Mathieu? Parce que je m'étais un peu éloigné des micros, c'est pour ça. Pour ma part, je retiendrai Agents of S.H.I.E.L.D. aussi. Épisode très bleu, mais épisode très bien. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant. C'est Supergirl qui nous intéresse ce soir. La série qui a été lancée, on le sait, avec un gros succès d'audience. On verra dès cette semaine si c'est grâce au lead-in ou si c'est grâce à elle. Peut-être que c'est grâce à elle, on ne sait pas. C'est un épisode qui a fuité et qui réunit quand même beaucoup de monde. Bon, on peut. Voilà. Épisode que vous avez noté sur comicstories.fr avec la note moyenne de 2,25 sur 5. du tout d'attente négative. Pour un petit détail des votes que je vous renvoie au mag de mardi. Pour donner la tendance et comme d'habitude, placer le curseur, je vais vous demander chacun à votre tour si vous êtes plutôt du côté des Supergirl, ce pilote s'est raté, ou plutôt du côté c'était bien. Clément. C'était très mauvais, c'est totalement raté. Elodie. C'était pas excellent, mais c'était sympathique. Irish. S'il faut être binaire, bah, je dirais c'était bien. Léo. Comme Elodie, ouais. Pas foufou, mais ça se regarde. Enfin, ça se regarde. Arnaud. Une sombre daube. Léo. Mais tu viens de me poser la question. Tom. Non, mais je pensais à Tom en disant Léo. C'était bon. Et pour ma part, je me placerai du côté c'était raté. Eh ben, dis-moi. On est bien rendu avec tout ça. Non, alors on en a quoi 4-4 je... Les anciens contre les nouveaux. On est 7. Donc... 7, pardon. 4-3. Alors, je vais proposer, honneur aux filles, on va dire, Elodie. Pourquoi plutôt bien? Pourquoi plutôt bien? Eh bien, nous avons... Alors, je le précise, comme à chaque fois, je ne lis pas les comics, donc je suis un peu vierge de l'histoire de Supergirl. Je découvre un nouveau personnage. Pour moi c'est mignon, c'est gentillet. Moi c'est à l'image totalement du pilote de Flash ou de ce qu'on a pu voir avant dans le genre. Voilà, une super héroïne complètement naïve devient super héroïne très rapidement vu qu'il passe dans ce pilote assez rapidement au fait qu'elle devient en gros Supergirl. Je sais pas, après c'était plaisant, divertissant, voilà. Il y a quelques trucs un peu ratés comme les effets spéciaux qui sont pas forcément au top, ou le fait que dès le pilote, tout le monde sait que t'es Supergirl puisqu'elle dévoile son identité secrète à tout le monde. Ça, c'est un petit peu gênant, oui, effectivement. Que tout le monde... identité secrète. Oui, alors en plus, elle n'est pas forcément bien cachée, masquée. Bon, Superman non plus, dans ce cas-là. Oui, aussi, on est d'accord, Superman non plus. Donc, voilà. C'est le petit jeu avec le spectateur. Mais moi, ce pilote m'a fait vraiment penser un peu à l'ambiance Lois et Clark. C'est pas une bonne bête. Je suis pas persuadé que ce soit un compliment à la série. On est en 2015, c'est pas dans les années 90. Oui, mais je te parle pas au niveau visuel, je te parle... Pas du visuel non plus. Je parle du temps. Bah, Lois et Clark, à l'époque, c'était très sympa pour son époque. Hein, donc, Lois et Clark s'inscrit très bien dans son époque des années 90, oui. Et bah là, Supergirl, ça fait ça, mais dans notre époque, à nous maintenant. Non, mais tu dis, sur le ton, ça fait Lois et Clark. Le ton, c'est le ton très 90. Hein. Non, c'est un ton le même ton en 2015. Plus en 2015 et qu'il faut avoir dans plus de séries maintenant. C'est pas... On n'est pas dans les Sopranos ou Breaking Bad, quoi. C'est les networks. Il faut une série légère un petit peu, quoi. Exactement. Ça peut pas être légère et bon, quoi. C'est pas mauvais. Si tu as aimé The Flash, je comprends pas pourquoi tu n'aimes pas celui-là. D'accord. The Flash, sauf qu'il y a une différence majeure entre Supergirl et The Flash, c'est que The Flash, c'est quand même beaucoup mieux écrit que Supergirl. Oula, attention. C'est difficile quand même de se prononcer maintenant, hein. On n'a qu'un épisode. Je compare objectivement le pilote de The Flash à Supergirl. Je suis désolé, le pilote de The Flash est largement mieux écrit que le pilote de Supergirl. Pourquoi il est mieux écrit Dans The Flash, je reconnais Barry Allen. Dans Supergirl, je ne reconnais pas Kara. Voilà, exactement. Kara, mais par rapport à quoi? Par rapport aux comics? Ben oui. C'est ça le problème. C'est un problème quand on part d'un œil totalement neuf. Mais oui, on est voilà. Je parle d'un critère que j'ai pour comparer les deux pilotes. Dans l'un, je reconnais Barry Allen, dans l'autre, je ne reconnais pas Kara. Naïf, tu l'as dit toi-même. Naïf, c'est pas être un personnage naïf, c'est pas dire rien de positif. Hein. Et Kara, quand même, c'est censé être un personnage plutôt fort. Il faut quand même pas oublier qu'à la base, elle a été envoyée pour protéger son cousin. Donc c'est quand même qu'on la considère pas comme naïve ou comme faible ou quoi que ce soit. Non, mais c'est le premier épisode, faut bien lui laisser le temps de se développer à son personnage aussi. Il est pas censé être à la base, elle est pas censée être comme ça. Il est pas censé, le personnage dès le départ n'est pas censé du coup être comme ça dans les comics. Ou en général, Supergirl, c'est un personnage qui est fort de base. Là, c'est un personnage qui est gnangnan, qui est chiant. Donc, en ce sens-là, le personnage, dès le départ, est mal écrit. Je suis pas d'accord. Je pense que ça m'aurait fait chier de voir directement un personnage hyper fort dès le premier épisode sans aucune évolution. Mais il y a quand même beaucoup de misogynie, je trouve. J'ai trouvé dans cette dans ce oui. Que tu l'as dit. Ah oui, c'est le cas de le dire. De votre part, oui. Oh, la première bombe. Non, je suis désolé. Je vais développer parce que je pense que ça va être intéressant. Vas-y. Bah non, je suis désolé parce que bon, déjà le personnage en elle-même, le fait qu'elle n'existe que par Superman en quelque sorte, on peut dire. Oui. Et ensuite, il y a j'ai oublié comment il s'appelle, mais le chef de l'équipe censé protéger la Terre des évadés. Ah non, ouais, d'accord, oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire, j'ai pas ouais, voilà. Lui, il est vraiment, mais il a vraiment des répliques assez limites. Et à ça, tu rajoutes le méchant quand il arrive, le méchant quand il se bat avec elle, il a un moment, il lui sort une réplique, il lui dit chez moi, dans mon monde, les femmes s'inclinent devant les hommes. J'ai eu envie de dire, ah bah tiens, ici c'est pareil. Et t'as l'impression qu'ils essaient de contrecarrer ça avec le personnage de Cat Grant, qui est déjà très très très caricatural. Ils essaient de contrecarrer ça avec le personnage de femme forte, puissante, mais en même temps, elle a un côté futile. Donc, elle apporte pas vraiment à la cause féminine, je trouve. Et je trouve aussi, c'est l'image de la femme qu'elle renvoie. Mais certes, tout le monde dit que c'est une série féministe, tout ça, juste parce qu'il y a une héroïne. On t'entend pas, Arnaud! Tout le monde dit que c'est une série féministe parce qu'il y a une héroïne et à cause de son discours de pourquoi on m'appelle Supergirl et pas Superwoman. Et à côté de ça, l'image qu'il montre du personnage, c'est celle d'une femme qui, au premier bel homme musclé qu'elle voit, elle bave devant, elle perd totalement ses moyens et c'est coucou, je suis un bel homme, je perds tous mes moyens, je ne sais plus rien faire. Ça fait une bonne image de la femme. Alors dire que c'est une série féministe, désolé, c'est pas du tout ça. C'est de valeur de pouvoir. Elle est super vilaine, c'est une femme. Une idée assez féministe avec. Ok, certes, c'est totalement légitime de dire, mais pourquoi moi on m'appelle Supergirl et pourquoi mon cousin c'est Superman et pas Superboy. C'est tout à fait légitime de poser des questions. Surtout à notre époque, quand le personnage a été écrit, on avait strictement rien à foutre de ces questions-là. Aujourd'hui, interroger ça, c'est une bonne idée. Mais après, mettre une scène où t'as cette image de la femme qui est renvoyée, plus le personnage de son collègue là qui lui sort, ah mais qui croit absolument ouais. Que forcément toutes les femmes vont tomber amoureuses de lui et qui découvre, qui se dit tiens t'es pas amoureuse de moi, ah, c'est parce que t'es lesbienne. Mais bon, ça c'est une blague, enfin, je crois pas. Une blague homophobe en 2015, c'est bien. Écrit comme ça, bah justement, ça rentre dans le côté en mode moi je suis un gros macho, mais c'est le personnage quoi. Ouais, et elle, le fait que devant Jimmy Olsen, elle soit totalement en train de baver, bah je trouve que ça rentre justement dans le personnage un peu niche qu'ils lui ont donné. Donc je trouve qu'au final, c'est plutôt une bonne ligne directrice. Hein. Et puis surtout, ça n'a rien à voir avec le personnage oui. Dans les comics. On n'a rien à voir. Et je m'en fous des comics, et je pense que. Le problème. Ça s'adresse aussi aux fans de oui, comics. Le problème, c'est que tu prends un matériau de base qui reste le comics. Donc on peut attendre légitimement. Là, ils l'ont totalement adapté. Hein. Mais oui, mais on peut légitimement attendre quand même qu'on puisse retrouver un minimum du comics. Je pense que The Flash, il y a eu quand même des adaptations qui ont été faites qui sont quand même assez éloignées du comics, mais t'as quand même pas mal d'éléments qui se recoupent. Or là, dans Supergirl, le personnage n'a rien à voir. Mais... Dans Lewis et Clark, tu retrouverais pas le Superman que t'avais dans les comics, ça a duré 4 ans, ça a cartonné. Et alors, depuis quand succès veut dire qualité? Regarde The Walking Dead. Mais non, mais. Alors là, non, je suis pas d'accord. Mais moi, je crois que dans le genre, c'était très bien. Et bah, Supergirl, dans son genre, c'est très bien aussi. Faut pas chercher à faire comme Arrow, comme Flash, ou comme Daredevil. C'est pas ce qu'on demande à Supergirl, c'est simplement que. Enfin, on n'attend pas à ce que Supergirl ait le même ton que Arrow, parce que c'est deux personnages diamétralement opposés rien que par le comics. Mais on pouvait quand même attendre mieux du personnage. Enfin, mais c'est les fans de comics qui attendaient mieux, mais le grand public n'attendait rien du tout. Et puis surtout, sur le public de fans de comics aussi, puisque c'est adapté. Bah oui. Non, mais c'est adapté d'un comics, mais ça se veut aussi pour un film, d'un bouquin que tu adores, tu attends de, retrouver ce que tu as aimé dans le bouquin, tu attends de retrouver un ton particulier, tu attends de retrouver des personnages qui ont des traits caractéristiques de ceux que tu as lu dans le bouquin. Bah, mais oui, mais tu as lu le bouquin, ceux qui ne l'ont pas lu aussi, tu es obligé de prendre en compte les gens qui ne l'ont pas lu. Hein. Oui, mais il faut aussi prendre ceux qui l'ont lu. Je suis d'accord, et c'est pour ça que la plupart sont bien adaptés. Et peut-être que là, ils se sont dit, on ne veut pas prendre les comics, on ne les a pas lus, j'en sais rien, tu vois. Mais... Ce sera un peu grave quand même de faire une série sur les Klingons. Ils ont lu, mais ils ont pas trop lu les bons. Ils ont lu ceux des de, récents, là, des New 52. Mais bon. Ouais, c'est ça. Non, mais enfin, tu prends pas Dancer, enfin, tu prends pas le nu, enfin, Supergirl, enfin, les personnes savent un minimum qui c'est le personnage et à quoi ça fait référence. Ils vont pas se dire, ah bah si on adaptait un personnage de comics, mais qu'on va pas du tout s'en tenir au comics, on va faire quelque chose de complètement à part. Comme le mandarin. Oui. Oui, voilà. Mais, enfin, c'est différent parce que c'est pas le même format. Mais, oui, non, mais... Enfin, on peut légitimement attendre quand même que la série, en tout cas en voyant le pilote, que ça soit un minimum, enfin, qu'on ait l'impression quand même de retrouver le personnage du comics. De toute façon, on est dans un débat qui est un peu irréductible. Voilà, de toute façon, les amateurs de comics cherchent à retrouver ce qu'ils connaissent. Les non-amateurs, ceux qui ne connaissent pas le matériau de base, s'en foutent totalement et à raison. Donc là, on est face à un débat qui, voilà, qui doit être résolu. Il manque quelque chose qui manque. J'aurais trouvé génial si lorsqu'elle était personnage de Kara, elle est un peu nunuche, un peu cucu, mais que lorsqu'elle devient Supergirl, t'as une personne mais vraiment forte, vraiment qui s'affirme. Sauf que lorsqu'elle devient Supergirl, elle reste toujours aussi nunuche, aussi cucu. Donc, moi je trouve qu'il aurait, ça aurait été bien si t'avais un contraste entre les deux personnages. Que lorsqu'elle devient comme Superman, quand Superman en Clark Kent, c'était comme il a peu de confiance en lui, mais quand il devient Superman, c'est un rock. Non, à ses débuts, Superman n'était pas comme ça. Il peut pas se dire tiens, je vais être Superman, je vais être super sérieux, je vais être super sûr de moi et tout. Là, Supergirl, c'est son personnage, c'est ses débuts. Elle peut pas être non plus comme Superman tout de suite, quoi. Oui, voilà. Enfin, je veux dire, comment est-ce que on peut prêter déjà tout de suite, un caractère absolument fermé et absolument déjà établi à Supergirl alors qu'on en est encore au stade du pilote. Regardez Barry Allen. Franchement, au début, moi, je suis désolé, mais j'ai un peu ressenti le personnage aussi comme nunuche, à moins qu'il s'affirme un petit peu au fur et à mesure des épisodes. Barry Allen vient d'avoir ses pouvoirs. Supergirl, elle les a Oui, mais il n'est pas encore héroïque. Mais dans l'affirmation du héros en tant que tel, Barry Allen n'est pas non plus le mec le plus sûr de lui au début des aventures de Flash. Hein. Et puis regardez, Barry Allen, c'est aussi un petit peu une belle gueule, Grant Gustin. Donc le choix et puis un peu l'attitude du personnage ne me choque pas plus que ça dans la mesure où les adaptations récentes telles que Arrow, Flash et maintenant Supergirl ont choisi de plaire à un plus grand public avec un truc un peu certes un peu neuneux, un peu nunuche, un peu naïf, mais qui est censé aussi rapprocher et un petit peu casser la barrière entre les liseurs de comics et les non liseurs de comics. Ouais, très bonne intervention, Léo, je t'engage. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je vais reprendre l'argument de Mathieu. Qui disait que on est obligé de dire que Terry est gentillette, qu'il y a un peu de non nunuche pour dire que le personnage est féministe. Et effectivement, c'est quand même très dope. Tu peux faire un personnage parfaitement féministe, parfaitement affirmé, sans avoir ce caractère-là. Et que ça passe que par le personnage de Supergirl, qui est assez non-nuant, qui est assez nunuche, que le personnage de Kara, qui est tout pareil. Cette idée du féminisme, comme quoi, en fait, si on veut être féministe, c'est pour forcément dépeindre une femme forte, courageuse, qui ne flanche pas. C'est un peu aussi, ça existe des femmes qui sont nunuches, des femmes qui sont un peu gauches, qui sont pas sûres d'elles. C'est pas pour autant qu'elles sont pas féminines. Donc, là, tu m'excuseras, c'est quand même un personnage, en théorie, voilà, je vais y arriver, stéréotypé. Voilà, c'est complètement cliché, c'est pas. Si encore il y avait de la nuance, je veux bien, mais là c'est un amas. Comme disait, je pense que c'était Léo, c'est un personnage en construction, donc laisser aussi le temps qu'elle se pose, ce n'est que le pilote aussi, c'est vrai. Elle devient super garde dans ce pilote. On peut pas tout condamner. Est-ce que vous vouliez un personnage comme dans Smallville, comme Kara de Smallville? Ah non, ce qui était détestable. Ah, moi j'aimais bien. Ah bah oui, mais pourquoi? Je sais pas, je suis pas allé jusque là, moi. Non plus. Elle était loin, très très loin d'être parfaite. Très très loin d'être parfaite. Mais au moins, elle s'approchait déjà un peu plus de Supergirl des comics. Très loin d'être réussi par rapport à l'adaptation, mais ça s'en approchait déjà plus que cette nouvelle Supergirl. Elle était pas cruche, nunuche, quoi que ce soit. Et dire qu'un personnage est nunuche pour justifier que c'est divertissant, que c'est bien, si Kara avait été comme elle est dans les comics, dans la série, si on prend la série comme elle est, et on change juste Kara, qu'on met la Kara qu'on connaît des comics, le truc ne fonctionne plus. Donc en soi, dire que la série est divertissante, gentillette, parce qu'elle est nunuche, pour moi, il y a un problème. Dire qu'un personnage est nunuche et que c'est bien... Après, dire que c'est... Qu'elle est nunuche et que ça en devient positif... Quand il dit c'est gentil, il faut quand même dire, faut aussi remettre. Au final, la série n'est pas mauvaise. La scène avec l'avion, la scène avec le sauvetage de l'avion. Moi, j'ai eu limite, j'étais un peu comme un gamin. J'ai eu quelques petits frissons. Tu vois, c'est sympa. Moi, j'ai beaucoup aimé cette scène-là. Voilà. Même si je vous ai écouté dans Comic Story présente et vous disiez, il faut toujours une scène de sauvetage d'avion. C'est iconique. Oui, voilà. Oui, mais bon, iconique, on a vu ce que ça a donné dans Amazing Spider-Man 2. Donc, oui, c'est la scène pas toujours. On en avait besoin et celle-ci, elle est réussie. Voilà, elle est réussie, donc... Le budget est passé par là. Au final, ça se voit. Il en manque un peu. Après, ça se voit. Donc, autant, rien que ça, une fois que tu as passé un peu le côté présentation du personnage, ou comme on dit tous, elle a un peu une couche, quand t'as cette scène-là, ça te remet un peu dans le bain, et moi je trouve que ça peut te laisser espérer un peu. Je sais pas, moi ça m'a fait, honnêtement, ça m'a fait ni chaud ni froid cette scène. Enfin, oui, c'est iconique, mais le problème, si faut se baser que sur cette scène-là pour juger le pilote, enfin, c'est pas. Enfin, tu prends. Enfin, moi je préfère juger de l'ensemble, tu peux très bien aussi prendre le combat final entre guillemets. Complètement raté. Donc, alors oui, c'est, effectivement, cette scène était bien, mais le problème, c'est que t'as cette scène-là, mais t'as tout le reste, et tout le reste, ça ne va pas. Je vais juste rebondir sur ce qu'Irish a dit, il parlait de la présentation du personnage. C'est un des points positifs que je retiens moi dans cet épisode-là, c'est qu'on passe assez rapidement sur son histoire. Voilà, on nous la raconte de manière assez rapide, on s'embarrasse pas à nous faire des tartines et des heures de « je suis Kara Zor-El, j'ai été envoyé par machin », tout ça, voilà. C'est rapide, on a l'essentiel et on peut passer à autre chose. Oui, d'ailleurs, on va se le farcir au début de chaque épisode, hein, comme pour Flash. Oui. Mais d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai une petite réflexion. Je me suis dit, pour des personnes qui ont une technologie assez avancée, ça n'aurait pas venu à l'esprit de faire des nacelles de place pour mettre les deux dans la même nacelle. Bon. C'est une remarque que j'ai reçue. Ça nous aurait évité 75 ans d'emmerde. Bah voilà. Est-ce que vous voyez d'autres points positifs sur cette série? Moi j'en ai un. L'actrice est très bien. Exactement ce que j'allais dire. Elle est adorable. Adorable. Je trouve qu'elle correspond parfaitement au rôle. Elle fait le job très bien, sans souci. Elle joue beaucoup mieux que Grant Gustin. Oh non. Ça se discute. Je dis ça, je dis rien. Pour moi, elle est effectivement parfaite pour le rôle, mais elle est parfaite pour le rôle d'une Clark Kent féminine et non pas d'une Kara Zor-El. Voilà. C'est-à-dire que là, le personnage a été fait, on a Clark Kent, sauf qu'on l'a mis en fille. En fille, ouais, ça je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, tu retrouves même un peu le niche. Tu retrouves aussi. Ah pardon, excuse-moi Irish. Mais là encore, je pense que c'est, enfin, ça fait un peu genre cahier des charges niveau établissement du personnage et sa manière d'être. Mais là encore, on pourra juger Mélissa Benoît que sur la suite après de la saison. C'est pareil encore une fois pour Grant Gustin qui a quand même vachement évolué depuis le début de The Flash. Donc. Mais la façon dont on présente le personnage, la façon dont on met l'accent en permanence sur son cousin, c'est aussi signe qu'effectivement, voilà, on s'appuie plus, pour moi, sur Superman que sur Supergirl, et même dans la façon de représenter Kara, qui est Cadel. D'ailleurs, Kara n'est que, enfin, Kara n'existe et surtout son existence est un peu déterminée par Superman dans un sens. Enfin, c'est censé être la cousine de Superman, c'est aussi sa version féminine. Bon, voilà quoi. D'ailleurs, mention spéciale au plan où on voit Superman mais qu'ils n'ont pas les droits. Du coup, bah, ils peuvent pas montrer de visage particulier. Ils se sont vachement appuyés sur Superman, sur un peu de tout. Après, je suis pas sûr qu'ils se sont appuyés sur une adaptation. T'as l'impression qu'elle n'existe que par Superman. C'est un peu le même des démons de ce pilote. C'est Superman à toutes les fins de phrase. Mais quelque part. C'est ça le problème, c'est qu'on va avoir des menaces qui vont être à la hauteur d'une Supergirl, mais pas d'un Superman. C'est-à-dire que vu que Superman existe dans ce monde-là, il a ses menaces à lui, à son niveau, et on se dit, bah voilà, Supergirl pourra pas avoir des menaces qu'elle peut pas battre, parce que si elle arrive pas, bah, j'appelle Superman, il va les battre, quoi. Mais ça, c'est le problème dedans, quand même. Bah oui, elle peut pas appeler Superman, déjà. Déjà que tu peux même pas le voir, ils te font un plan avec le soleil pour que tu vois pas sa tête, donc tu comprends qu'elle peut pas faire appel à lui. Donc ce sera un peu incohérent que lorsqu'elle sera vraiment, vraiment dans la merde et que Superman ne soit pas là pour l'aider, sachant que quelque part c'est quand même le défi de cette série, c'est qu'ils se sont lancés dans Supergirl, ils savent les risques que ça représente, ils vont devoir faire sans Superman, c'est absolument sûr. Après peut-être un caméo juste pour la forme et le fanservice, mais bon, ce serait déjà un peu gros. Ouais, ils ont dit ce sera pour remonter les audiences si besoin. Oui, voilà, mais on a eu le même souci avec les Avengers, quoi, dans les films solo. Voilà, les films solo où on disait, bon bah s'il est vraiment autant dans la nuit, pourquoi les autres Avengers viennent pas l'aider? D'ailleurs. Je suis quand même un peu emmerdé par ce que Tom dit. Moi, je trouve ça un peu. Pourquoi Supergirl n'aurait pas droit à de vrais ennemis? Et pourquoi, sous prétexte que Superman est soi-disant supérieur à Supergirl, il aurait ses ennemis et ses menaces propres, et elle se tapera quoi? Des ennemis de seconde zone parce qu'elle n'est pas capable d'affronter les autres? Alors, tu m'arrêtes Tornado. Oui, mais alors que dans les comics, elle a quand même droit à de vraies menaces. Des menaces bien, bien réelles, des némésis qui sont de la forme des adversaires de Superman. Au nom de quoi? Parce que ça fait Supergirl, effectivement, elle devra avoir des adversaires de toute catégorie. Bah, pas forcément, parce que si tu te rappelles, Mathieu, lorsqu'on a fait le mag la semaine dernière, on avait le synopsis des épisodes 2 et 3, et il me semble dans l'épisode 3, elle devait affronter un ennemi de Superman qui avait été battu par Superman, et pour se venger de Superman, allait venir s'en prendre à elle. Donc au final, elle n'aura pas forcément. Je suis curieux de voir comment ça va être traité, tu vois. Voilà, elle n'aura pas forcément des ennemis moins forts. Mais le problème, c'est que tu te rends compte que même ses ennemis sont toujours liés à Superman. Il va falloir vraiment qu'à un moment, la série se détache complètement. Et même dans le côté féministe, ça reste toujours la femme qui est un peu dépendante du mec. Bon, ça reste un peu tiré. Mais il faudrait qu'il trouve quelque chose d'assez. Qui la rende aussi unique. Mais là c'est un problème vraiment limite presque intrinsèque au personnage. Enfin, de toute façon, s'ils veulent faire un truc Supergirl absolument pur et loin de Superman, ils vont devoir construire probablement et surtout se baser sur le matériau qu'ils ont déjà par eux-mêmes. Bah, je suis d'accord avec toi, mais peut-être que même là, ça explique aussi le fait que forcément on n'est pas un personnage qui soit identique à ce qu'on a dans la BD, parce que je pense que forcément à un moment il va falloir qu'il se détache un peu de la BD, qui était dans une époque où on pouvait se permettre de faire des femmes un peu moins fortes qu'aujourd'hui. Et à un moment il va falloir avoir un personnage, mais vraiment à part entière, qui, je ne suis pas très sûr, mais n'existe pas vraiment dans la BD. On parle quand même du personnage qui a sauvé le multivers. Crisis on Infinite Earths, voilà, elle a quand même sauvé le multivers, certes en se sacrifiant, etc. Mais voilà, c'est quand même pas n'importe qui. Et là, dans ce pilote, on insiste plus sur le mot girl que sur le côté super. C'est ça. Elle sauvera CBS. Vu les audiences qu'elle est partie pour faire, oui, effectivement, elle peut. Effectivement. Ils ont déjà Big Bang Theory, CBS, hein, t'inquiète pas, ils vont. Ouais, mais il y aura un crossover avec Big Bang Theory, t'inquiète pas. Mais par contre, vous n'avez pas un peu trouvé Dean Olsen, il s'est la pété un peu. Oh, je suis pote avec Superman, je suis pas assez. Ah, c'était insupportable. Bon, il est là juste pour dire Superman m'a envoyé pour te surveiller, en fait. Ah, exactement. Ouais. Mais pas Superman. Oui, pardon, on n'a pas le droit de dire son nom. Oui, non, le c'est vrai. Celui-là, il m'a envoyé pour te surveiller. Jimmy Olsen, il est pas. Enfin, il est pas. Enfin, c'est vraiment un mec qui se la raconte. Ouais, je suis d'accord. Enfin, il montre les muscles. Quoi. Surtout, c'est un espèce de beau gosse, tout ça. Et oui, lui, bon, ça, c'est maladroit quand même. Bah, il aurait été. Ça ne dérange pas qu'ils aient revisité le personnage. Hein. Oui, mais revisiter, je veux bien. Mais alors là, quand même, le personnage, il est insupportable. C'est vraiment. Moi, j'ai trouvé vraiment un peu imbuvable. Ah oui, je suis bien d'accord avec toi. Il est vraiment. Oui, non, le mot, c'est vraiment insupportable. Déjà, il apporte rien. Enfin, il apporte rien. Si, la cape quand même. Ouais, enfin, merci. Oh, purée. Enfin, si on a besoin de Jimmy Olsen pour avoir la cape, ça craint un peu, quoi. S'ils en arrivent là, c'est quand même le. Bah, ça va se baser sur du fanservice pendant 6 épisodes. Hein. On va avoir Lucy Lane. Donc. Obligatoirement, ils vont se baser sur ce on va passer tout le catalogue. Hein, de toute façon, voilà, ça va être le catalogue. Oui, on va voir Toyman, Lucy Lane, tout ça. Voilà. Ce qui m'a bien fait rire, moi, c'est que plusieurs fois, à Jimmy, comment il est, à quoi il ressemble. Ah oui, c'est vrai. Jimmy, c'est ton cousin, c'est pas lui qui. Okay, elle l'a vu quand même sur Terre plusieurs fois, donc. Ah, parce que t'as un peu l'impression que Superman il l'a déposé là et au revoir. Démerde-toi. Ouais, ouais. Bah, bonne chance. Ils sont dans quelle ville dans Supergirl? National City. Ah oui, d'accord. Je situe très bien sur la carte, oui. Bon, c'est pas loin de Central et de Star. Mais on n'a pas parlé de Ally McBeal, Cat Grant. Ah, de Madame sur refaite de Fourfou et mon tourisme flexible. Elle est beaucoup moins refaite sur les vidéos. Prada et en Botox. C'est ça. Tom, tu allais dire? Elle est beaucoup moins botoxée sur les vidéos promo, je trouve. Là, dans l'épisode, les interviews, tout ça, elle est beaucoup moins. Enfin voilà. C'est pas faux, mais dans l'épisode, moi, ça m'a fait un peu mal. Ah oui. Ah, oui. Plus Ally McBeal, hein. Plus Ally McBeal, non, ça c'est sûr. Et du coup, c'est presque dommage parce que, en plus, le personnage de Cat Grant est plutôt sympa. La façon qu'ils ont eu envie de la dépeindre, alors certes, le diable c'est bien Prada, tout ça, machin. Mais c'est sympa, ça passe. Oui, un peu caricatural, mais oui, elle entre en contraste un peu avec le personnage de Supergirl. Et donc, je pense que les deux, ça fait un peu des étincelles d'avoir les deux. Elle bascule un peu, quoi, et je pense qu'elle a besoin. Ouais. Bah, y a un petit côté, le diable s'habille en Prada, quoi. Oui. Oui, non, c'est ça, mais bon, après c'est pas. Elle n'est pas encore ultra décisive aussi dans l'intrigue. Enfin, c'est pas non plus. C'est juste la fille à qui Mélissa Benoît apporte ses donuts le matin. Enfin, c'est pas. Ou sa salade, ou son wrap, je sais pas. Elle va garder son fils, je crois, dans les épisodes d'après, ou un truc comme ça. Oh, la profondeur des marques. Ils vont jouer sur ça comme là, Peter Parker. C'était pas sérieux. Pas sérieux. Si. C'est dans un des prochains épisodes. 3 ou 4, je sais plus. Oh 4. Mon dieu. Oh ouais, ça va être Peter Parker, Jonah Jameson, mais un peu plus exacerbé. Cara apporte le café, Cara fait la babysitter. En fait, Cara, c'est nouvelle partie. C'est ça. Non mais ouais, c'est vrai, comme tu dis, le côté Peter Parker, Jonathan Jameson, c'est vrai aussi, t'as eu ça à un moment, puisque Jimmy Olsen, apparemment, il l'a fait passer pour la personne qui a réussi à obtenir la photo. Mm-hmm. Il dit ça, lui, ça fait la photo de Supergirl. Oui. Vous voyez, ça fait un peu Peter Parker qui vient vendre des photos de Superman. Quelle photo? Elle est prise de face, elle est pas floue du tout, limite elle prend la pose. Ah non, mais de toute façon, les gens dans l'univers de Superman, Supergirl sont tous aveugles, visiblement. Oh, tout pas dans monde... celui-là, hein, regarde avant. Ouais, t'as vu la photo que Jimmy a pris de Superman, elle est quand même dégueulasse. Ah, il fallait pas voir son visage, hein. Mmh. Ou alors... Mais là encore, on est encore très très proche de Clark Kent. Oui. Dans le Kara, il a réussi à avoir la photo de Supergirl, etc. On sent presque qu'ils avaient envie de faire une série Superman, mais qu'ils avaient possibilité de le faire qu'avec une fille, et que bah, du coup, bah, tant pis, on copie tout, on colle et on fait une fille. Je pense que de toute façon, là encore, c'est intrinsèque, mais surtout qu'ils vont, ils vont peut-être devoir s'appuyer sur Superman, déjà pour amener un peu le public, aussi pour faire un peu de fanservice, et donc voilà, un peu structurer un scénario, et puis aussi pour lancer, pour faire un peu rampe de lancement de la série, et ensuite éventuellement laisser Supergirl voler de sa propre cape, mais c'est, après, bon, c'est peut-être ce que j'imagine un petit peu, mais que je... Mais bon, après, à voir, enfin, c'est une hypothèse. Qu'est-ce que tu voudrais, en tout cas? Oh, je sais pas, on verra bien. Mais vous pensez qu'on verra Henry Cavill Non, ils n'ont pas. Il est trop gros. C'est pour ça. Lier le cinéma et la télévision, donc ça arrivera encore moins. Mais c'est pour ça que si on ne va pas le voir, il faudrait qu'ils arrêtent d'en parler. Bon, après, c'était le pilote. Ils veulent que ce soit une ombre dans la vie de Kara. Ouais. Moi, je pense que ça risque de mais ça va pas aider la série, je pense. Non, ça va la retenir. S'il y a du potentiel, ça va retenir tout le potentiel qu'elle pourrait avoir et pourrait poser problème. Peut-être qu'ils le comprendront. On verra bien avec les droits. Après, peut-être sur la première saison, on aura ça, et après, les autres saisons, elle sera complètement définie, on saura qui elle est. Ils n'ont pas écrit les épisodes. Hein. J'espère quand même que ce sera avant, hein, que ce ne sera pas sur une saison, sinon ça risque même de ne pas finir, de ne pas aller plus loin. C'est déjà trop. Si à Noël, ce n'est pas corrigé, là, il faudrait peut-être s'inquiéter. Si elle tient. Noël. Attendons l'épisode avec Red Tornado et on verra. Ça fait rêver. Le Red Tornado version Power Rangers. Le Red Tornado en mousse, oui. Ouais. Concernant le scénario pur en lui-même, voilà, ils ont trouvé la prison. Bah, c'est pratique pour nous faire un petit procédural. Ouais. Méchant de la semaine, et puis à la fin, tu revois sa tante. Mais par contre, la prison, ça n'en voit qu'une personne à la fois. Donc. Un méchant à chaque épisode. Donc, bah oui, on aura droit. C'est comme un robinet, un ouvre, il y en a un qui sort, vas-y. Et après, bah, ainsi de suite. Puis à la fin, il y a sa tante qui va dire un truc, oulala, on va aller chercher. Oui, j'en ai marre, je vais faire les choses par moi-même. Mais est-ce qu'on sait déjà combien d'épisodes il y aura ? C'est une série. Pour l'instant, c'est pas. 23 ou 13. Et après, si ça fonctionne, on pourra en avoir 22 ou 23 comme Flash. Six Seasons and a Movie. Le film, on l'a déjà eu. Ouais. On s'en rappelle encore. On pleure encore. Mais justement, le personnage de Supergirl n'a pas forcément été apprécié plus que ça, contrairement au personnage de Superman, qui est un personnage qui est, on va dire, fortement apprécié du grand public. Et je pense que c'est peut-être pour ça aussi qu'ils veulent faire en sorte que Supergirl ressemble un peu à Superman. Bah ouais, mais pour moi, c'est pas le bon axe. Ouais, je suis bien d'accord avec Mathieu. On aimerait bien avoir quelqu'un d'indépendant aussi, ce serait sympa. Ça, oui. Bah oui, c'est l'intérêt de... Oh, la femme forte, le féminisme, et elle est toujours collée. Mais l'intérêt justement de... J'ai besoin de toi. Et l'intérêt de Supergirl, notamment dans les comics, devrait être à mon sens le cas dans la série. Supergirl est quand même un personnage bien à part de Superman, c'est un personnage qui est quand même bien différent dans sa manière de procéder et dans sa manière d'être, et que là, si on se contente d'avoir un simple copier-coller d'un Superman bas de gamme, d'un Clark Kent, d'un sous Clark Kent, bah la série va passer complètement à côté de son sujet et de son potentiel, parce que c'est pas forcément ce qu'on attend de Supergirl, quoi. Bon, pour ça, il faudra voir les prochains épisodes. De toute façon, Supergirl aura droit à ses débriefs dès le mois de novembre. Elle va revenir dès la fin du mois de novembre, et puis mi-saison, et puis voilà, on en reparlera quand même plusieurs fois dans la saison. On aura le temps de voir cette évolution qu'on espère, hein, puisque même si, enfin pour ma part, même si je considère ce pilote comme raté et partant dans le mauvais sens, j'espère et je crois encore qu'ils peuvent corriger le tir et qu'on puisse avoir une vraie série Supergirl avec une vraie héroïne indépendante et forte. Non, mais je suis d'accord avec toi, je pense qu'on peut encore espérer un truc bien. Mais oui. Moi, j'attends ça. Hein, j'attends ça qu'on me dise. Mais oui. Le pilote était merdique, mais la suite est géniale, tu vois. Moi, j'irais pas merdique. Moi, je me suis pas ennuyé. Ouais, pareil. Même que j'ai regardé deux fois, j'ai regardé la deuxième fois, je me suis pas ennuyé. Comme c'est vrai que la première fois, c'était lorsqu'il s'avait fuité il y a des mois. Là, je l'ai re-regardé et je me suis pas ennuyé. Mais tiens, est-ce qu'on sait s'il y aura peut-être un crossover avec The Flash ? Parce que ça, non. C'est possible. Non. La porte est fermée, mais ils n'ont pas tourné la clé, donc on ne sait jamais. Moi, je trouve vraiment. Je pense qu'il pourrait y avoir de la place. Greg Berlanti voudrait, mais CBS veut pas. Ah oui, c'est pas les mêmes chaînes. Pas les mêmes chaînes, oui, c'est ça. C'est pas les mêmes chaînes. Oui, enfin, CW appartient à 50% à CBS. Ah, je savais pas. Et l'autre moitié, c'est à la Warner. Oh, purée. CW, c'est moitié Warner, moitié CBS. Ah, d'accord. D'où le nom. CW. Voilà. Du coup, on va bien. Peut-être un moment pour sauver la série. Si on se casse la gueule, on peut... Ouais. On va faire appel. Ils ont juste dit qu'il y aurait des promos crossover. Oui, parce que j'ai vu des photos des deux. Des photos promotionnelles des deux. Ils étaient dans la rue. Ouais, c'est mais c'était pour Berlanti, c'était un article sur lui, c'est pour ça. Ouais. Mais ils ont dit que, enfin, CBS a annoncé qu'il y aurait des promos crossover, mais c'est tout. Pour le moment, en tout cas. À voir. On verra plus tard. Bien, on va peut-être en rester là pour ce pilote. On aura l'occasion de reparler plusieurs fois de la série, que ce soit dans nos petits bilans de la semaine en début d'émission, ou même lors de débriefs plus poussés. Finalement, ce débat sera resté correct. On battra jamais les bonnes annonces. Les bonnes annonces. Peut-être un cataclysme qui allait surpasser notre débat sur Gotham, mais finalement non. Ce sera pour le bilan de Supergirl, peut-être. Il y aura plus de matière. Vivement la fin de saison. Exactement. Quoi qu'il en soit, dimanche, dans les podcasts Comic Stories, vous présentera Supergirl. Supergirl, depuis sa naissance dans les comics jusqu'à aujourd'hui. Hein, donc on va balayer un peu toute son histoire et ses différentes incarnations et versions. Mardi, on se retrouve pour notre 29e numéro du MAG. Jeudi prochain sur nos écrans, numéro 29. Alors là, je suis incapable de vous dire de quoi on va parler. Vous pouvez pas revenir sur Smallville? Ça pourrait être, pourquoi pas, un jour. Un commentaire épisode par épisode, non? Oh mon dieu. C'est un peu beaucoup, ça. Oh, c'est trop demandé. Oh, je veux bien l'épisode avec Green Arrow. Ah non. C'est plus vrai. Avec Aquaman, avec Flash. Oui, vous voyez que ça vous intéresserait. Il est beaucoup, arrêtez. Pardon ? Je l'aimais beaucoup, Oliver Queen de Smallville. Ah, c'était toi ? Oui. Ouais, bah écoute, d'accord. Chacun ses goûts. Il était très bien avec Chloé. Ah, bah oui, bah c'est plus, ça. Deux personnages de merde ensemble, c'est sûr. Voilà la gueule du gosse hein, après à la fin. Elle était insupportable, cette Chloé. Ah, mais je pouvais pas la blairer. D'accord, j'aimais pas du tout Chloé non plus. Hein. Ah, je pouvais pas la blairer. Ah, les deux étaient insupportables. Même un personnage était content qu'il soit avec l'autre, avec Chloé. Bah, je trouve qu'ils allaient bien ensemble. De merde ensemble. Oliver Queen, mais j'ai pas leur histoire à tes fois. Bon, allez, je sais que vous avez envie de parler de Smallville. On en parlera peut-être un autre jour, mais pas ce soir. On va conclure. On a un petit peu dépassé la durée habituelle. Donc, rendez-vous dans toutes les prochaines émissions dont je viens de vous parler. Rendez-vous évidemment sur comicstories.fr, sur nos écrans. Et sur Small Things. Alors Small Things, je ne sais jamais, c'est .fr ou .com. .fr pour l'instant. .fr et sur, du coup, le tome. Manofscreen.fr qui est un site sur toutes les adaptations de Superman sur les écrans. Et voilà. C'est beau. Dans le sujet. Amen. Et à quand DavidTennant.com Ça existe déjà, malheureusement. Tennant.fr. Ah ouais, si tu fais ça, tu m'appelles. Moi, je suis un gros fan aussi. Ah ouais? Bah écoute, je vais y réfléchir, je te recontacte, hein, parce que fais gaffe, faut pas me lancer là. Ah non, David Tennant, c'est incroyable. Jones. Il est incroyable cet acteur. Ce qu'il a fait dans Doctor Who, c'était juste majestueux. J'ai pas vu totalement, j'ai pas vu Broadchurch. Les gars, on va vous laisser des clés, puis nous on va y aller. Je t'aime bien maintenant, Irish, hein. Je te pardonne de ne pas aimer Gotham. Ah d'accord, ok. Ah non, on est d'accord sur David Tennant. En VO surtout. Oh bah, oui. Évidemment. Allez, ce sera le dernier mot. À la semaine prochaine. Et d'ici là, évidemment, bonne série. Salut. Bonne soirée. Salut. Au revoir.